Ami humain, bonjour. The Big Short, le film d'Adam McKay, habille la finance pour l'hiver. Si on essaie de faire le compte, quels sont les sujets qui, aujourd'hui, posent véritablement problème au cinéma? Ils ne sont pas si nombreux. J'en vois principalement trois. D'ailleurs non dénués de rapport. Le terrorisme, l'internet, le capitalisme. Le terrorisme est ce avec quoi se débrouille tant bien que mal Made in France, film controversé, annoncé puis repoussé de Nicolas Boukrieff. Mediapart en rendra compte le 29 janvier, à l'occasion de sa sortie en cinéma. L'internet occupe tous les films et n'en occupe aucun. De nombreuses séries en font leur thème, Alten Catch Fire, Silicon Valley, Mystère Robot. On continue toutefois d'attendre sa traduction exacte sur un écran. Le capitalisme est le cœur d'un film sorti il y a un petit mois. Non pas tout le capitalisme mais son aspect le plus brumeux et le plus spectaculaire à la fois, la finance. The Big Short, le casse du siècle a été plutôt bien accueilli par la presse. Au 12 janvier il approchait les 650 000 entrées en France. Il recevait aux alentours de la même date plusieurs nominations prestigieuses aux Oscars, dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Adam McKay. Aucun oubli à réparer, donc. Cet article voudrait juste détromper ceux qu'un casting all-star et une communication maladroite auraient pu effrayer. Et essayer, surtout, de prendre au sérieux. Je n'ai pas l'impression que cela ait été fait la manière dont McKay réfléchit à ce que pourrait être un film sur la finance. On sait probablement de quoi il retourne, McKay et son scénariste Charles Randolph adaptent un essai de Michael Lewis, déjà intitulé The Big Short. Mediapart en avait salué la parution américaine en 2010, avant sa traduction française par Le Seuil sous le titre Le Casse du siècle. Son sujet, la crise des subprimes et des prêts hypothécaires à risque de 2007-2008, vu à travers les quelques personnes qui surent la prévoir. Non pas qu'elles souhaitèrent l'empêcher. Le génie asocial Michael Burry, Christian Ball, voulait démontrer la justesse de ses calculs. Le banquier Jared Venet, Ryan Gosling, voulait faire la nique à ses supérieurs. Le justicier de Wall Street Mark Baum, Steve Carell, voulait mettre à nu la saloperie du système. Les jeunots Jamie Shipley et Charlie Gillard, Finn Wittrock et John Magaro, entraînés par le vétéran Ben Ricker, Brad Pitt, voulaient se faire une place au soleil. Et tous désiraient s'enrichir en pariant contre en shortant un marché immobilier à la stabilité pourtant proverbiale. Comme ils évoluent sans cesse aussi le terrorisme, l'internet et le capitalisme menacent de laisser le cinéma sur le carreau. Chaque film qui se voudrait actuel en traitant de l'un ou de l'autre encourt donc le risque, sitôt apparu, de passer pour démodé. La difficulté est connue. Une autre vient toutefois s'ajouter en l'occurrence. Ces trois réalités échappent aux visibilités ordinaires. Elles sont l'évidence de ce monde, ce dont on peut partout relever des indices. Mais elles en sont aussi à l'inévidence ou la vérité secrète, il n'y a pas de blason du terrorisme, de l'internet ou du capitalisme. On peut filmer un kamikaze faisant péter sa ceinture d'explosifs. On peut cadrer un écran d'ordinateur ou une recherche sur Google. On peut enregistrer la vie au bureau, l'argent qui circule ou l'activité d'une salle des marchés. On aura fait qu'arrêter pour un temps des phénomènes foncièrement mouvants. On aura réussi à montrer, mais il y a de fortes chances qu'en montrant on ait aussi manqué l'essentiel. Ces trois réalités sont flagrantes et voilées, manifestes et latentes, connues et ignorées de tous. Elles n'exigent donc pas seulement un renouvellement des représentations. Elles modifient jusqu'aux conditions de la représentation. Poursuivre la bonne image du terrorisme n'est pas intéressant, c'est le caractère à la fois clandestin et explosif du terrorisme qui l'est. Comme défi lancé à l'image, comme nouvelle image de l'image. Vouloir mettre en scène l'internet et l'informatique constitue une autre sorte d'absurdité, les films et les séries étant aujourd'hui bien souvent à la fois fabriqués et vus informatiquement. Comment représenter ce qui, dans l'ombre et dans la lumière, travaille à redéfinir le sens du mot ? Une question similaire se pose à quiconque entreprend de faire un film à propos de la finance. À bientôt et grosse bise numérique.